Précédemment, dans Aussi loin que s'en souviennent les Lilas. 10h30 du matin. Salle des fêtes de Bitbourg. Début du procès de Paolo Bottomi. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas replongé dans mes bouquins de droit et encore plus longtemps que je n'avais pas vu un épisode de Perry Mason. Mesdames, messieurs, je vous présente le juge chargé du dossier Paolo Bottomi. Le juge à l'ibuprofène qui nous fait le plaisir de venir à Bitbourg pour juger le docteur Bottomi et déterminer si oui ou non il a commis des choses très très vilaines. Je viens vous aider pour le procès, Vincent. Je viens vous aider à prouver au monde que les conspirations existent. Je viens mettre mon plan à exécution. Tenez ces papiers et attaquez le maire directement. Ça détournera l'attention. Paolo Bottomi obtiendra un non-lieu et le maire sera destitué. Comme ce plan me plaît. C'est celui que je vous ai promis, Vincent. Et qui a utilisé de faux électeurs pour se faire élire de Bitbourg? Mais de qui il parle, là? Je crois que nous ferions mieux de partir, monsieur le maire. Partir loin, très très loin. À bas, monsieur le maire! Mais qu'est-ce que tu viens de faire, Vincent? Je viens de battre la plus grande conspiration jamais faite à ce jour. Je viens de devenir le maire de Bitbourg. Il y en a marre, hein. Pff, Alberto, il est toujours tout seul. Alberto, il est toujours très très vilain. Et quand il se passe des trucs en ville, eh ben Alberto, on l'oublie, hein. Pff, alors Alberto, il s'est déjà évadé une fois. Je vois pas pourquoi il s'évaderait pas une seconde fois. Non, mais hop. Et je suis dans la prison, et je suis dans la prison. Et j'emporte mon baluchon, et j'emporte mon baluchon. Et mais c'est quoi tous ces feux au loin dans la ville? On dirait comme que si on avait allumé de la lumière dehors alors qu'il fait nuit. Ouais, bon, je m'en fiche. Hein. Plus ils sont occupés, moins ils feront attention à moi. Allez, hop, je lance la corde que j'ai faite avec des draps et à moi la belle vie dans la liberté de mon nom d'emprisonnement. Allez, oh, putain, c'est dur. Allez, je descends le mur. Alberto, il est vilain, Alberto, et ils vont voir si Alberto, il est vilain. Oh oui, ils ont jamais osé me dire ce que j'avais fait de si vilain, et bien ils vont voir de quel bois je me chauffe, ils vont voir ce dont je suis capable et toutes les choses vilaines que je peux faire. Aussi loin que je m'en souvienne, ils m'ont jamais vu quand je me mets en colère. Je devrais bientôt arriver en bas, non? Oh non, oh c'est haut. Oh là là, oh la vache, ils auraient jamais dû les faire aussi haut, les murs du centre de détention, Jacqueline Boubillard. Je suis bien d'accord avec vous, Alberto. C'est dur de grimper. Mais, docteur Bottomi, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais, vous le voyez bien, non? Je monte, j'ai bien le droit de monter, non? Mais oui, mais c'est dans la prison que vous essayez de monter. Oh, mais laissez-moi donc monter en paix. Je suis coupable de meurtre. Ma place doit être ici, dans une cellule de 10 mètres carrés où les toilettes côtoient une couchette sale et dure et froide, là où on sert de la viande avec des vers à l'intérieur et qu'on perd toute dignité humaine. Mais c'est pas comme ça, ce centre de détention, Jacqueline Boubillard. Les cellules sont grandes, on mange bien et en plus, on a les plus grandes douches qui ont jamais existé. M'en fous! Tout ce que je veux, c'est être en prison. Alors laissez-moi monter tranquille. Et vous? Oui, vous ne seriez pas un peu en train de vous évader par hasard? Ne mentez pas, cher ami, cela ne servirait à rien. Je te fine tout. En fait, oui. Ah, ce n'est guère le moment de s'évader, monsieur Alberto Lar. Ce n'est guère le moment. Mais pourquoi donc? C'est la guerre civile à Bitbourg. Vous ne voyez pas les feux? Les Bitbourgeois veulent organiser une battue pour retrouver monsieur le maire et monsieur son conseil municipal qui se sont enfuis après que Vincent David ait révélé une affaire de faux électeurs. Comme disait ma vieille mère, Dieu est son âme et moi son argent, ça craint du boudin. Bon, moi je vous laisse. Je suppose que vous avez laissé la fenêtre de votre cellule ouverte? Oui. Pourrais-je espérer, ne fût-ce qu'une seconde, que vous me prêtiasse votre corde pour que je montasse plus habilement ce mur qui, somme toute, est assez lisse? Je suis en train de me casser tous les ongles. C'est-à-dire que je sais pas si elle va supporter nos deux poids. Eh bien, qui ne tente rien n'a rien. Je vais, voilà, la prendre. Attention, je vais me laisser pendre. Attention, ça y... C'est bon, voilà. Eh bien, apparemment, Alberto, votre corde tient la route. Aïe. Je ne pensais pas que la corde arriverait sur la route aussi vite. Big up, bonjour Bitbourg, on se réveille, on se lave et hop, s'il vous plaît, c'est Roby qui vous parle en direct de BFM, la seule radio, la radio que l'on aime. Hier soir, Vincent David a révélé notre charmante ville stupéfaite que monsieur le maire s'était fait élire par de faux électeurs et la population délire, c'est-à-dire vous, s'est levé et a fait entendre sa voix, la voix du peuple, yeah! Et comme pour apporter de l'eau au moulin de Vincent David, monsieur le maire et monsieur son conseil municipal se sont tout bonnement échappés et malgré des recherches intensives que vous avez pu effectuer dans la nuit, nulle trace de ce dictateur qui pendant des années a dictaturé Bitbourg. C'est tout simplement que Vincent David s'est élu ce matin même maire de Bitbourg, il a l'air bien décidé à changer les choses ici dans cette ville. Il m'a fait parvenir d'ailleurs une liste des choses qu'il désire changer ici et m'a demandé de vous les lire à l'antenne. Aujourd'hui, première chose, combattre les conspirations qui gangrènent Bitbourg. Deuxième chose, supprimer les conspirations qui gangrènent Bitbourg. Troisième chose, installer un tabac-journaux à Bitbourg. Quatrième chose, faire une demande auprès du gouvernement pour que son anniversaire devienne fête nationale. Notre bureau vous plaît, monsieur le nouveau maire de Bitbourg ? Tant de choses, Jacqueline, tant de choses vont changer ici. Ce fauteuil est ma foi très confortable. Et la vue sur la place de l'hôtel de ville ? Magnifique. Ah, Jacqueline, sans toi, je n'y serais pas arrivé. Sans toi non plus, Vincent. De grandes choses se préparent effectivement. À commencer par le retour de Jacqueline Boubillard à Bitbourg, la grande voleuse jamais arrêtée jusqu'alors. Bonjour, monsieur maire David. Ah, surveillant Maton. Vous m'avez ramené la personne que je vous avais demandé d'aller chercher. Oui, monsieur le maire David, la voici. Mais lâchez-moi enfin, quoi. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Vous abîmez ma combinaison et... Oh, c'est vous, encore? Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Vous avez toujours pas de voiture? Qui est-ce? Ernest Gazoil, le pompiste de Bitbourg. Et j'ai une voiture, merde, combien de fois? On a rien compris, il faut que tu recommences, là. Combien de fois je vais devoir le répéter? Répéter quoi? Mais que j'ai une voiture. Vous avez une voiture? Bah oui, j'ai une voiture, sinon comment on serait arrivé à Bitbourg, Rebecca et moi, hein, je vous le demande? Bah, en voiture, c'est le seul moyen de locomotion le plus indiqué, encore faut-il en avoir une. Mais j'en ai une. De quoi? De revoiture. Chut, calme-toi, Vincent. On ne comprend plus quand tu t'énerves. Ouais. Alors, monsieur Gazol, justement, à propos de voiture, sous prétexte que je n'en avais pas, vous ne veniez jamais quand je vous appelais à l'extérieur de votre station-service. Jamais. J'aurais pu crever comme j'avais pas de voiture, vous sortiez pas. Bah, mon boulot, c'est de mettre de l'essence dans les voitures, pas ailleurs, hein. Et puis vous voulez jamais de l'essence, alors, hein. Faut que j'aille travailler, moi. Comment voulez-vous que je gagne ma vie si je travaille pas en donnant de l'essence aux voitures? Ça ne sert à rien de discuter. Surveillant Maton? Oui, monsieur le maire David? Emmenez-le au centre de détention Jacqueline Boubillard. Oh non! Non, pas là-bas! J'ai pas été assez vilain, non! Je suis pas trop dur, quand même? Non, Vincent. Juste ce qu'il faut. Mais... il faudrait changer ce nom. Quoi? David? Vincent David? Ah non, c'est mon nom, je le garde. Non, pas ça. Monsieur le maire David, c'est ridicule. Et comme monsieur le maire était le vrai nom du précédent maire de Bitbourg, il faut en trouver un autre. John Fitzgerald Vincent David? Non, pas ça, je... Lady David Vincent? Non, je pensais plus à... le roi David. Le roi David. Le roi David. Ça me plaît. Hi everybody. Ça me plaît bien. This is Larry T-Bird Gordon. I got a real groovy thing for you to get off to right now. So everybody get out of your seats. Get a little contact off of funk. coup. Allez-vous-en, allez-vous-en. Jeune fou insouciant et respectueux des belles choses de la vie. Partez et arrêtez de me casser mes vitres. Ouais, ouais, Abdoul était deux poulets, Abdoul était deux poulets. Quatre. Abdoul était deux poulets. Quatre, quatre, quatre, quatre, quatre, quatre, quatre. Bonjour Abdoul. Oi, oi, oi, mademoiselle Rebecca. Désolé que vous assistiez à un spectacle pareil. Désolé, désolé. Ils ont mis votre épicerie sans dessus dessous, on dirait. Ils ont cassé votre belle enseigne. Les salauds. Oui, oui, ma belle épicerie n'est plus ce qu'elle était. Vivement que votre ami Vincent remette de l'ordre et se fasse entendre comme maire. Oh, vous savez, je connais trop bien Vincent pour craindre qu'il y ait quelqu'un d'autre derrière tout cela. Depuis que nous sommes arrivés, il n'a pas arrêté de crier aux conspirations sans jamais pouvoir apporter la moindre preuve. Et là, d'un coup, il arrive à trouver des papiers, que je souligne, personne n'a pu lire, prétendant que Monsieur le maire a usé de faux électeurs pour se faire réélire. C'est bien trop tordu, et surtout bien trop malin pour que ça vienne de lui. Oh, Monsieur Vincent ne m'a jamais paru si bête que ça, mademoiselle Rebecca. Vous savez, Abdoul, pour Vincent, la polygamie, c'est un archipel, la polysémie, une maladie, et les ostéopathes, une confrérie de Patrick. Ah, effectivement. Tout le monde sait que la polygamie est... Vous vouliez quoi, mademoiselle Rebecca, au fait? J'en oublie tout mon sens de l'hospitalité et du commerce avec ces histoires. Vous allez voir que bientôt, on va nous envoyer l'armée pour régler tout ça à coups de pistolet et d'armes à feu. C'est Carole qui m'envoie. C'est pour la tête de veau. Mademoiselle Rebecca... Carole n'a certes pas un physique à attirer autre chose que les mouches, mais ce n'est pas une raison pour le comparer à un veau. Mais non, Abdoul, la tête de veau qu'il vous a commandée la semaine dernière. Comme je comptais aller à la mairie pour voir Vincent, il m'a demandé si j'avais le temps juste avant pour venir chercher la tête de veau. J'ai pas vu Vincent depuis qu'on s'est quitté au tribunal hier. Apparemment, il a investi la mairie à lui tout seul. Diable, je n'avais jamais remarqué qu'on avait une si petite mairie à Bitbourg. Je vais chercher la tête de veau. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Quoi? Quoi? Ça y est, maman? Papa est revenu et a quitté l'homme avec qui il était parti? Je savais qu'en réalité, ce n'était pas un homosexuel convaincu. Navré de vous décevoir, monsieur le maire, mais c'est monsieur son conseil municipal. Il faut vous réveiller maintenant, il est midi passé. Hein? Mais où suis-je? Cette maison est intense! Immense, vous voulez dire immense. Nous sommes dans votre maison dans la forêt, vous vous souvenez? Nous avons dû fuir la ville hier parce que Vincent David a retourné la population de Bitbourg contre vous. Oh mon Dieu, c'est vrai! J'avais oublié! Mais cela veut dire que je ne suis plus maire? Non, non, monsieur le maire. Et si je ne suis plus maire, je ne peux plus diriger Bitbourg? Non, monsieur le maire. Et si je ne dirige plus Bitbourg, je ne peux plus détourner d'argent? Aussi loin que je m'en souvienne, je vous ai jamais vu détourner de l'argent. Mon Dieu, comme la vie est mal faite! Vais-je devoir me reconvertir? Mais en quoi? Je n'ai jamais été quelqu'un d'autre que monsieur le maire, maire de Bitbourg, et... Rassurez-moi, monsieur son conseil municipal, tout ce qu'a dit ce vilain Vincent David était faux. Les gens m'ont élu, n'est-ce pas? Il n'y a jamais eu à aucun moment de faux électeurs. Électeur, monsieur le maire, on dit électeur, et vous le saviez tout aussi bien que moi, monsieur le maire. Bitbourg sans monsieur le maire, ce n'est plus Bitbourg. Que devient ma ville quand je ne suis pas là pour l'administrer? L'administrer? Eh bien, pour le savoir, une seule chose. Éventrer un bœuf et lire l'avenir dans ses entrailles. Mais non! Il y a Roby. Je ne sais pas si on peut bien lire l'avenir dans les entrailles, monsieur son conseil municipal. De plus, je trouve cela très déplaisant d'éventrer un homme. Je parlais des informations, monsieur le maire. Roby, le seul journaliste et présentatrice de notre seule radio pour FM. Lui seul pourra nous dire ce qui se passe. Mais comment le joindre? Je crois qu'il suffit simplement d'écouter la radio, monsieur son conseil municipal. Eh bien, allez-y, monsieur je sais tout. Allumez-la, votre radio, allez. J'y vais. Permettez que je me lève de ce divan et que j'atteigne juste la magnifique chanifi qui se trouve sur le mufflet. Buffet. Faudra vraiment vous acheter un orthographe, hein, parce que moi, là, je sais plus quoi faire. Allez, Roby, parle-moi dans la boîte. Cinquantièmement, dénoncer tous ceux qui seraient susceptibles d'appartenir ou d'aider les conspirations. 51ièmement, trouver un remède pour la maladie de Monsieur Dumbo. 52ièmement, appliquer ce remède gratuitement. 53ièmement, reconnaître publiquement que Vincent David est un héros. 54ièmement, reconnaître publiquement que Vincent David a maintes fois sauvé Bitbourg. 55ièmement... Mon Dieu, mais la mairie va devenir une vraie dictature avec ce fou au pouvoir. Les Bitbourgeois ont besoin de moi, n'est-ce pas, monsieur son conseil municipal? Il est temps pour moi d'apporter la lumière dans cette période d'ombre. Il me le semble bien. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, monsieur le maire. Laquelle? Je ne suis pas super maire. Si je tourne sur moi-même, je ne me retrouve pas avec une cape, un slip et des collants. Je ne suis qu'un maire comme les autres, ni plus ni moins. Alors que faire? Il vous faut prendre le maquis, monsieur le maire. Et enfin, monsieur son conseil, je ne veux prendre personne, moi. Il est hors de question que je fasse des choses sexuelles sans mon consentement. Non, organiser la résistance, faire la révolution, devenir un héros, vivre dans le maquis, se nourrir de gibier que l'on chasse nous-mêmes, être accueilli comme des demi-dieux païens dans les hameaux alentours, devenir le maire des bois et petit son conseil municipal. Monsieur son conseil municipal, juste une question... Que sont le maquis, les hameaux, les demi-dieux païens? Et si vous pouviez éventuellement lâcher mon bras? J'ai bien peur que dans votre enthousiasme, vous l'ayez pris pour un arc. Oh, bonjour, Abbé Molsi. Mademoiselle Rebecca. Vous sortez juste de la mairie ? Oui, j'étais venu saluer notre nouveau maire, mais je ne le salue plus guère après ce qu'il vient de me dire. Quoi ? Qu'est-ce que Vincent vous a dit ? Oh, il s'est énervé parce que je ne voulais pas m'asseoir et il m'a ordonné vulgairement, dans sa langue prussienne, de prendre un cierge. Je suis un homme d'église, moi, pas une star du porno. Mais non, abbé, il a sûrement voulu vous dire de prendre un siège. Il rajoute des R partout lorsqu'il s'énerve. Vous vous souvenez? Ah! Eh bien, tant pis, ça ne change rien. Cela m'a beaucoup énervé, je ne pars pas dans la paix de Dieu, là, du coup, hein? Elle est où, la paix? Les gens cassent tout dans Bitbourg. Regardez-les s'exciter comme des béotiens. Ils viennent même jusqu'ici, aux portes de l'hôtel de ville, pour gaster les statues représentant notre maire sortant. Ah, ça, pour être sorti, il est sorti. Définitivement de la ville, d'ailleurs. Vincent est tout seul? Ou bien quelqu'un l'aide à s'installer? Oh, il y a une jeune femme dont je tairai le nom tellement cela m'en coûte de devoir accepter qu'une personne aussi vilaine qu'elle puisse postuler au poste de conseil municipal de la ville. Non, allez, tiens, ça me broute tellement que je vais aller me cuiter au vin de messe à la grâce de Dieu, moi. Mais, abbé? Abbé? Attendez! Oh, et puis merde! Vincent? Vincent? Vincent? Vincent? Tu es là? Vincent, Vincent! C'est Rebecca! Rebecca, comment déjà? Entre, Rebecca, entre. Vincent? Mais qu'est-ce qui... Vincent? Mais... Pourquoi es-tu habillé comme ça, Vincent? On dirait un... Un roi, oui. Ou un demi-dieu païen, au choix. Tu aimes? C'est mon rouleau cage, c'est normal. Je vais faire de la mairie de Bitbourg un château, et de Bitbourg un grand et beau royaume. Mais... Tu es devenu fou, Vincent? Non, Rebecca. Vincent est comme il doit être. Jacqueline Boubillard! J'aurais dû me douter que tu étais derrière tout ça! Derrière tout ça? Mais non, Rebecca, elle était juste derrière un rideau pour se cacher, pour te faire la surprise. Et quelle surprise! Vincent, il faut que tu arrêtes ça tout de suite! Arrêtez quoi? Je suis devenu maire, il n'y aura plus jamais de conspiration maintenant. Mais bon Dieu! La plus grande conspiration, c'est Jacqueline qui la fomente! Et tu en es le pion principal! Ah non, Vincent n'est pas mon pion. Il n'est certes pas très beau, mais de là à dire que... Et comment ça, pas très beau? Je prends ta défense, Vincent. Mais de quoi? Mais je comprends plus rien là. Rebecca, tu avais pourtant confiance en moi. Oui, mais depuis que je sais que Jacqueline est avec toi... Avec sa langue de vipère, à te dicter tout ce qu'il faut faire pour cette ville. Nous ne sommes ici qu'en vacances. Rappelle-toi, pour te guérir et... Reprends ma rare. Quoi? Je ne suis pas malade. Je crois qu'il vous faut partir, Rebecca. Il reste encore beaucoup de place au centre de détention, vous savez. Je vois. Je n'ai pas oublié notre bataille dans la boue, Rebecca, et le fait que vous ayez poussé Alberto à revenir à Bigbourg. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé non plus, Jacqueline. Croyez-moi. Vincent, je reviendrai te chercher. Je reviendrai te sauver. J'ai pas besoin d'être sauvée, Rebecca. C'est plutôt toi qui as besoin d'aide. D'ouvrir tes yeux au monde, de combattre les conspirations. En somme, d'être du côté des héros. Le jour où tu sauras épeler diatribe, Vincent, ce jour-là, tu pourras te considérer comme un héros. Hein ? Pourquoi ? Parce que ça demande beaucoup de patience, de courage et de sang-froid pour arriver à épeler diatribe sans se tromper. Partez, Rebecca, et ne revenez plus jamais ici. Ne revenez plus dans notre ville. Vous devez quitter Bigbourg. Moi vivante, jamais. Alors, nous n'aurons plus qu'à vous tuer. Je peux y opposer mon vélo ? On dit veto, Vincent. Y opposer son veto. I know some places and I see some faces. I got good connections, they dig my directions. When people say that's okay, they don't bother me. I'm ready to make it, don't care what the weather. Don't care about no trouble, got myself together. I feel the kind of protection that's all around. I come up home, babe. I've been for real, babe, with the trouble man. Je suis fatigué, monsieur son conseil municipal. Je n'en puis plus. Ah non, hein, non. Faut y aller maintenant. Vous devez border votre arc au maximum, puis lâcher votre flèche pour qu'elle vienne directement se figer dans le mannequin. J'ai mis une heure à le faire, et je vous jure que si je n'avais pas suivi ce cours de couture à la salle des fêtes, je n'aurais jamais pu faire un mannequin aussi ressemblant. Mais à qui il ressemble, hein? À qui? Ou plutôt devrais-je dire, à quoi? Mais vous ne reconnaissez donc pas l'Indien de Tom Sawyer, le méchant Indien qui poursuivit Tom et son ami Huckleberry? C'est lui qui nous a tous fait peur quand on était petits. C'est un Indien, ça? Ça ressemble à un gigantesque étron mis à la verticale. Mais vous ne serez donc jamais content de ce que je fais, hein? Moi qui ai passé ma jeunesse à vos côtés, moi qui ai sué sang et eau pour vous aider à être un bon maire. Et... Oh, pardon, monsieur son conseil municipal. Je ne voulais pas blesser votre petit cœur d'oiselet. Vraiment, je suis désolé. C'est un bel Indien que vous avez là, un Indien qui a certes du mal à digérer, mais il y a bien eu des Indiens qui ont attaqué des ranchs après le repas, j'en suis certain. Je veux juste que vous soyez prêt pour prendre la ville d'assaut et revenir ainsi au pouvoir. Je veux qu'on m'appelle petit son conseil municipal et qu'on dise de moi que j'étais le meilleur ami de le maire des bois, c'est tout. Oh, vous savez quoi, monsieur son conseil municipal? Je ne suis plus fatigué. Allez, hop, je vais m'entraîner. Allez, et ensuite nous irons chercher des gens pour nous aider à former une compagnie et nous assiégerons Bigbourg le moment venu. Cela vous convient? Oui, cela me convient, monsieur le maire. Dites, monsieur son conseil, c'est vrai que vous avez sué du sang? Thank you. Bonjour, bonjour, Peter Brushing, toute coupe, touche cheveux prend aussi les enfants. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle Rebecca? Il y a un endroit dans votre salon où on peut discuter calmement, Peter. Oh, vous pouvez y aller. Madame Pinson et Madame Juan sont complètement sourdes. À chaque fois que je les mets sous le casque, je leur donne un Walkman pour écouter Patrick Fiori. Ça les tient éveillés et ça leur rappelle qu'il y a des choses plus vilaines encore que de passer une heure dans un salon de coiffure sous un grill. Bon, très bien. Vous savez, pour monsieur le maire... Oh oui, son début de calvitie m'a miné plus que tout autre. Mais non, le fait qu'il se soit enfui après le procès de Paolo Bottomi. Ah, oh, ça. Ah oui, bien sûr, c'est la guerre civile en ce moment à cause de ça, d'ailleurs. Je ne peux pas coiffer tranquille et tenez, ce matin, j'ai même raté Mademoiselle Rivera. Vous savez, celle qui fait le trottoir. Vous avez une prostituée à Bitbourg? Oh, Mademoiselle Rebecca, aussi loin que je m'en souvienne, on a toujours eu une prostituée à Bitbourg. Laure Lagoulue, qu'elle s'appelle. Mais et pourquoi vous me parlez de ça? Non, je croyais que... Enfin, Mademoiselle Rivera qui fait le trottoir et tout ça. Mais non, elle balaie les trottoirs de Bitbourg. On l'appelle motocrotte. Alors qu'elle n'a pas de moto. Et c'est ça qui est drôle. Ah oui? Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que j'ai besoin de votre aide. Vous connaissez du monde à Bitbourg. Et j'aimerais que vous les réunissiez tous chez Carole ce soir. J'ai à leur parler. Mais attention, uniquement ceux qui pensent que monsieur le maire est innocent ou qu'il y a un doute. Très bien, mademoiselle Rebecca, très bien. Vincent est mené par le bout du nez. Nous devons l'aider. Et aider Bitbourg à retrouver son calme et sa tranquillité. Ah oui, parce que aussi loin qu'on s'en souvienne, Bitbourg a toujours été... Oui, calme, je sais. Moi, je vais partir quelques heures, histoire de faire des choses... Je vous expliquerai tout ce soir. Je peux compter sur vous, Peter? Ça dépend. Vous voulez compter jusqu'à combien? Parce que j'ai pas mal de travail, moi. Papa Permès, c'est l'heure de la douche. Allez, on se lève et on va rejoindre ses petits camarades. Allez hop, debout. Ah, laissez-moi, tranquille, vous. Je voudrais bien profiter un peu de quiétude dans ce trou à rats, si c'était possible. Bah alors, comment tu me parles, Ernest? Faut être gentil avec moi, parce qu'on me la fait pas, moi, hein. Allez, tu te lèves. Il faut que tu te laves, parce que t'es tout sale, là. C'est normal, je suis pompiste. Je sens l'essence, et alors, c'est mon métier, hein. Je m'appelle Ernest Gazol. C'est pas pour rien. Tu serais pas un petit peu aigri, toi, Ernest? Aigri? Pourquoi je suis en prison? C'est la détention provisoire au moins, parce que sinon, moi, je vous jure, je ne réponds plus de rien. Hein. On dit je ne réponds plus à rien, Ernest. Et libre à toi si tu veux te taire. Mais on me le fait pas, moi, c'est tout. Alors tu te lèves et on file sous la douche. Il y a tes copains qui t'attendent. Allez, hop, hop, hop, hop, hop. Bon, bah c'est bien parce que c'est vous. Pourquoi je suis détenu, hein? Vous pouvez me le dire? J'ai toujours été gentil, moi. Agréable avec la clientèle et souriant, très souriant. Oh, me poussez pas non plus. Ça va, j'avance. Quoi, merde? Mais évidemment, personne ne vient prendre de l'essence dans ma station-service. Alors évidemment que je trouve la vie pas belle, et somptueuse, et superbe, et insolite, et grandiose. Et là, sous prétexte que Vincent David, qui est même pas bitbourgeois, devient le nouveau maire de Bitbourg, et que j'ai soi-disant pas été aimable avec lui, eh ben je me retrouve en prison. C'est de la dictature néo-stalinienne, dans le microcosme marxiste de la pluralité gauchiste, de notre société d'aujourd'hui qui ne peut souffrir d'aucun pudianisme. Vous en pensez quoi, vous, sur le maton? Tu sais, Ernest, la mécanique et moi, allez hop, rentre sous la douche et frotte toute la saleté. Eh, me poussez pas comme ça, vous, hein! Oh bonjour! Eh regardez docteur, il y a quelqu'un qui vient se laver avec nous. Eh mais c'est Ernest Gazol, le pompiste de Bitbourg, hein. Oh ça va vous le docteur. S'il n'y avait pas eu votre procès, on serait pas arrivé là, hein. Mais je suis coupable, je mérite d'être en prison. Oups, j'ai fait tomber mon savon. Attendez, Alberto, je vais vous le ramasser. Non, c'est moi qui le ramasse. J'ai attendu ce moment si longtemps, alors je vais pas me le faire voler par un tueur. Tueur? Ah! Enfin, vous acceptez le fait que je sois coupable. Est-ce que j'ai l'air crasseux, hein? Est-ce que j'ai l'air crasseux? Pourquoi je dois prendre une douche? Je ne comprends pas. Eh, Ernest, qu'est-ce que t'as fait comme chose vilaine pour te retrouver au centre de détention? J'ai rien fait, rien! Alors tu me lâches, d'accord, là, toi, là. Lard, Alberto Lard, et non pas Albert Tolard. Mon nom de famille, c'est simplement Lard, comme Bobby Lard. Oh, c'est peut-être pour ça que c'est ma tante. Pardon? Bobillard? La Jacqueline Bobillard? Ben oui, la grande rouleuse de Bitbourg, c'est ma tante. Je me demande d'ailleurs ce qu'elle peut devenir. Allez, je vous entends pas chanter là, il faut frotter et chanter, hein. Allez les prisonniers, moi je suis content moi, parce qu'il y a plein de prisonniers maintenant. Et on chante dans la prison, et on chante dans la prison, et on se frotte au savon, et on se frotte au savon. On a fait des choses très vilaines, on a fait des choses très vilaines. Ils font que l'on purge notre peine, ils font que l'on purge notre peine. Tiens, Vincent, voilà ton verre. C'est une charmante ambiance, Jacqueline, et ce divan est si agréable. Fais-moi de la place. Tiens, ton verre. Merci. Ah, ça a du bon d'être le roi David. Rien n'est encore fait, Vincent. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tout roi est susceptible d'être la cible de complots. Bah, des conspirations, tu veux dire? Ah ouais, c'est normal. Je suppose que c'est ainsi que fonctionne chaque roi, rester sur ses gardes et déjouer les conspirations. D'ailleurs, c'est un petit peu mon métier quand même. Oui, Vincent, oui. Mais tu sais, même si ton travail c'est de déjouer ces conspirations, il y en a que tu ne peux pas encore voir. Et pourquoi? J'ai des yeux comme tout le monde et je sais m'en servir. Hein. Oui, et plutôt bien. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les ennemis du roi sont plus près qu'on ne le croit. Tu veux dire que... Non. Si, Rebecca. Mais Rebecca est mon amie, elle traverse juste une mauvaise passe. Il faut lui laisser le temps. Elle ne te laissera aucun répit, Vincent. Vincent, ta Rebecca, il faut la mettre en prison. Au centre de détention Jacqueline Boubillard? Oui. C'est dur peut-être, mais il faut en passer par là. Bon, Jacqueline, enfin c'est tout de même Rebecca. Sans elle, tu serais déjà un héros. Elle a toujours tout fait pour t'étouffer. Bah, non, elle a jamais essayé de me tuer. Hein. C'est encore des histoires, ça. Vincent, fais-moi plaisir. Emprisonne-la. Après, on essaiera de la guérir, mais libre, elle risque de te faire beaucoup de mal. Bon, je suppose que... Oui, c'est le seul chemin à prendre pour arriver à la victoire, Vincent. Jacqueline, enlève ta main de... Je pourrais être la favorite du roi, non? Je n'ai pas envie, Jacqueline, je... Tu n'as pas envie, tu... Oh! Oh! Tu sais, ça arrive à des gens bien, Vincent. Peut-être, mais... Mais moi, c'est Constant. Constant? Oui. Jacqueline, je dois t'avouer une chose. Si je suis venu à Bitbourg, c'est dans l'espoir de guérir d'une maladie. Une terrible maladie qui a pour nom la maladie de Monsieur Dumbo. En fait, c'est de l'impuissance. Mais rentre, pas oui, rentre. C'est la maladie de Monsieur Dumbo, tout court. Tout court? Tu veux dire aussi que tu as une petite... Moi, ça va, Jacqueline. Hein. Je vais me coucher, dans la honte et le mépris. Oh, Vincent, et pour Rebecca? On va l'emprisonner, si c'est ce que tu veux, mais promets-moi qu'on ne lui fera pas de mal. Je te le promets, Vincent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enlevez-moi ces projecteurs des yeux! Mais qui êtes-vous? Vous avez défoncé mon salon de coiffure! Regardez, vous avez tout cassé! Putain, mon chéri, je suis le surveillant maintenant! Je t'en note en état d'arrestation! Mais pourquoi? Mais pourquoi il est en état d'arrestation? Il n'a pas respecté le couvre-feu. Vous n'avez pas respecté le couvre-feu? Vous serez donc emprisonné au centre de détention de la Quête Boubillard! Oh! Allez, Peter, tu vas sous la douche, t'es tout sale, allez, hop, hop, hop, hop, hop. Oh, bonjour, Peter Brushing, tu te coupes douche-feu, prends aussi les enfants. Peter Brushing, vous avez été arrêté aussi? Eh, moi j'ai fini de me laver, là, ça y est, je veux sortir. Oups, j'ai fait tomber mon savon. Attends, bouge pas. Non, non, monsieur le maire, pas comme ça. Vous devez tenir l'arme dans ce sens et pas dans l'autre, sinon vous risquez de vous tirer dessus. Je n'en peux plus, monsieur son conseil. Il fait nuit maintenant, je veux dormir. Allez me reposer dans cette charmante maison. La forêt, la nuit, ça me fait peur. Vous voulez récupérer votre mairie, oui ou non? Oui! Alors il faut transpirer, on n'est pas des mauviettes, on est des hommes, des vrais. Et on a aussi le droit d'aimer les autres hommes. Et on va s'entraîner parce qu'on n'est pas des femmelettes. On va s'entraîner jusqu'à se faire péter les adducteurs. Oui, mais bon... Allez, monsieur le maire, visez bien le mannequin et tirez. Non, non, non et non. Faudrait savoir ce que vous voulez, hein. Parce que moi, je commence à en avoir rôle popotin, hein. Il faut pas juste faire tagada. Il faut s'énerver sur la gâchette. Pas juste la caresser. Tenez, comme ça. Avant d'être monsieur son conseil municipal, vous faisiez quoi dans la vie? Vous étiez pas le type qui fait des trous dans le fromage pour que ce soit du gruyère? Non, petit... excusez-moi, monsieur le maire, j'ai juste passé 2 ans dans la Légion avant de revenir à Bitbourg et de devenir votre conseiller. Mais je ne le savais pas! Nous nous connaissons si peu en réalité, monsieur son conseil municipal! Si peu! Non, non, monsieur le maire, nous ne devrions pas. Vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Ne jamais confondre relationnel et travail. Ce n'est pas que j'en ai pas envie, monsieur le maire. Je comprends. Vous n'êtes pas un tue-l'amour, je vous rassure. Mais je sais bien. Alors, il faut tenir l'arme comme ça, vous dites? J'aimerais tellement, monsieur le maire, mais mon travail est de vous aider, non de vous aimer. Et ensuite, je tire un coup? Non, monsieur le maire, nous ne devons pas, ce n'est pas correct. Et puis, que dirait Bitbourg sur notre relation? Vous avez vu? Vous avez vu, monsieur son conseil? J'ai tiré sur l'arbre, l'arbre est tombé et hop! Pouf, il a écrasé un cochon sauvage. Monsieur le maire, cachons-nous dans un fourré. Quoi? Mais il est hors de question que... Oh, pardon, c'est moi. C'est de ma faute. J'ai cru un instant que vous disiez « fourrons-nous dans un cachet » et je ne comprenais pas trop comment vous vouliez qu'on y arrive. Parce qu'un cachet, c'est petit. Manœuvre de repli. Lampe torche à 11h. On dégage! Calmez-vous, monsieur son conseil. Je ne vois rien, moi, et... Delta Tango, Alpha Charlie, repli vers la zone de défense. Allez, go! On va se cacher, attendre l'ennemi. Jennifer? Abdul! Mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a le couvre-feu! Vous n'avez pas le droit de sortir! Laissez-moi entrer, Jennifer. C'est une question de riz ou de porc. De vie ou de mort, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Je me suis trompé. Des formations professionnelles. Entrez. Ça ne va pas? Non, Abdul. Le docteur Botomy est en prison. Il m'a quitté! Oh, Jennifer, je suis désolée. C'est pas grave. Il m'a dit que je devais tenir le coup. Mais c'est difficile. Je sais pas le coup de qui je dois tenir. Chut, calmez-vous. Mais assez parlé de moi. Qu'est-ce que vous faites ici, Abdul? Eh bien, j'ai participé à une réunion chez Carole. Et le surveillant Maton et ses hommes nous sont tombés dessus. On a réussi à s'enfuir. Je ne sais pas ce qu'est devenue mademoiselle Rebecca et... Oh, je peux m'asseoir? Allez-y. Ils me poursuivent. J'espère qu'ils ne vont pas continuer pendant longtemps. Et une résistance s'organise, Jennifer. Une résistance? Contre Vincent David, le nouveau maire? Oui. Apparemment, ils n'ont pas arrêté Carole, de peur de soulever les bites bourgeois contre eux. Et puis, on est tellement qu'on serait trop lourd à soulever pour eux. Oui. Est-ce que je peux me cacher ici, Jennifer, jusqu'à ce que nous prenions contact avec monsieur le maire? Oui. Vous pourrez prendre les vêtements du docteur pour dormir. Mais pas sa brosse à dents. Parce que je l'ai gardée. Et c'est sa brosse à dents. Comme vous voudrez, Jennifer. Comme vous voudrez. Monsieur son conseil municipal, j'ai la fraise droite qui me gratte. Chut, restez calme. Quelqu'un arrive. Pourquoi sommes-nous obligés de nous cacher dans cette petite haie? Ça me gratte les branches. Chut, tenez-vous prêts. Je vais lui sauter dessus et l'attaquer sauvagement. Il est là. Il s'approche. Yeah! Boy, boy, boy, boy. Monsieur son conseil, lâchez-le, vil gredin. Boy, Mero. Périsan? Mais le Périsan. Ha ha, Mero, Mero. La révolu, par le bignore chez Matougazé, boy, boy, Matal Vincent, il est tapé. Quoi? Une résistance s'organise? Ben oui. Et vous voulez que le maire soit en sa... Vous voulez que le maire en soit le chef? Vous êtes envoyé par la résistance Bitbourg. Oui, yo sois un messager de la part de Bignou. Oui, Périsan, oui. Oui, Périsan, vous arrivez ici comme un message d'espoir. Monsieur le maire, pardon, le maire Robin, la résistance vient de naître. Oui, petit son conseil municipal, je... Oh, j'adore, encore. Petit son conseil municipal. Oui, dites-le encore. Petit son conseil municipal. Encore. Petit son conseil municipal. Oui, dites-le. Petit son conseil municipal.